éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme au destin hors du commun, une femme partie de rien et qui a réussi à entrer au cœur du pouvoir, Jeanne du Barry. Jeanne du Barry, de son vrai nom Jeanne Bécu, née en 1743 dans un milieu très modeste. Sa mère est couturière et elle grandit loin de la noblesse et de la cour de Versailles. À cette époque, il est presque impossible pour une femme issue du peuple comme elle de changer de condition. Pourtant, Jeanne va réussir à s'élever socialement, notamment grâce à son intelligence, à son éducation et à son sens des relations. Elle fréquente rapidement des salons parisiens et attire l'attention d'hommes influents. Jeanne va finir par être présentée au roi Louis XV en 1768. Qui tombe sous son charme. Elle devient alors sa favorite officielle. Mais pour être acceptée à la cour, elle est contrainte d'épouser un noble, le comte du Barry, dans un mariage arrangé qui masque ses origines sociales. À l'époque, une femme ne peut pas exister socialement sans passer par des règles imposées par les hommes. À la cour de Versailles, la nouvelle Madame du Barry occupe une place importante. Elle influence la mode, fréquente les artistes et participe pleinement à la vie de cour. Pourtant, elle est loin de faire l'unanimité. Son origine modeste dérange énormément la noblesse. Elle est même rejetée par Marie-Antoinette, qui refuse pendant longtemps de lui adresser la parole. Cela montre à quel point la société de l'époque est marquée par les inégalités sociales, mais aussi par un jugement très dur envers les femmes. Après la mort de Louis XV en 1774, elle est éloignée de la cour et mène une vie plus discrète. Mais quelques années plus tard, la Révolution française éclate. Comme beaucoup de personnes liées à l'Ancien Régime, elle est accusée d'avoir trahi le peuple en reniant son origine sociale et d'avoir aidé des aristocrates à fuir. Elle est arrêtée, jugée, puis guillotinée en 1793. Le parcours de Jeanne du Barry montre une réussite sociale et ses limites. Elle réussit à s'élever dans une société très fermée, ce qui est exceptionnel pour une femme de son époque, mais en même temps, son pouvoir reste fragile, dépendant des hommes et du regard de la société. Jeanne du Barry n'est pas seulement une favorite royale, c'est aussi le symbole d'une femme qui a tenté de s'imposer dans un monde qui ne lui était pas destiné et qui a montré les inégalités auxquelles les femmes étaient confrontées.